بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ونواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح برر البهية، وما زلنا في كتاب الصلاة، وفي باب صلاة الجماعة. Donc nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbi al-Bariya, dans l'explication de Durar al-Bahiya de l'imam Shawkani, rahimahullah. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre, le grand chapitre de la prière, et de façon spécifique dans le sous-chapitre de la prière en groupe. Et nous avons vu certains masa'il dans ce sous-chapitre, et nous nous sommes arrêtés sur la parole du Mu'adif. Nous avons expliqué cette parole qui est « Wala yaqumur rajulu qawman wa hum lahu karimun », c'est-à-dire qu'un homme ne dirige pas les gens dans la prière, des gens qui le détestent. Qui ne dirige pas les gens qui le détestent dans la prière. Et nous avons vu ici, avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, que Had Ali ibn Musallam, car c'est une parole qui est awalan basée sur des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui sont daif. Et ensuite, la ibrata biridun nas de l'imam. On ne considère pas l'agrément des gens de l'imam, car les gens peuvent détester l'imam à cause de son tamassouk, de son cramponnement à la sunna, comme on le voit dans beaucoup d'endroits. Mais les gens peuvent détester aussi l'imam à cause de quelque chose qui a légiféré. Voilà, là, on regarde les chevaux de la charia. Si les gens détestent l'imam parce qu'il est innovateur, c'est de l'endroit l'enlever. L'imam, là, parce que les gens le détestent ou même parce qu'il est innovateur. Non, à qui vous? On l'enlève parce que les gens le détestent ou même parce qu'il est innovateur. Parce qu'il est innovateur. Ça va? On enlève parce qu'il est innovateur. L'innovateur, il est face. Et le face, là, comme imam, il ne peut pas être imam. Voilà qu'il y a une souliya khalfa, si on prie derrière lui, yassif ou soit. La prière est correcte. Ça va? Si on prie derrière lui, la prière est correcte. Mais, parmi les shurus des imams, c'est-à-dire parmi ceux qu'on doit choisir comme imam, l'aïkoun muqtadian, il ne doit pas être innovateur. Ça va? Donc ensuite, قال المؤلف رحمه الله, il dit ويصلي بهم صلاة أخفهم. C'est-à-dire l'imam doit prier avec ceux-là la prière du plus léger parmi eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'imam doit toujours considérer ceux qui sont derrière lui. Ça va? Il ne doit pas regarder lui sa force ou bien sa capacité à prier 30 minutes ou bien 40 minutes. Mais il doit regarder plutôt à khafi. S'il voit qu'il y a des malades parmi ceux qui sont derrière lui, Donc, il prie en considérant cela. Ça va? Le prophète, il a accéléré une prière parce qu'un enfant pleurait. N'est-ce pas? Taïb. Le hadith Mu'adh, alladhi qala lahu Rasulullah. Le hadith, à cause du hadith de Mu'adh, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lamma atala salat bin nas, lorsqu'il a allongé la prière avec les gens. Il a dit, afattanun anta ya Mu'adh, afattan. Fattan ismu fa'il il fitna. Il a dit, Mu'adh, il poursuit les gens. Hein? Donc il a dit cela à Mu'adh. Parce qu'il y a un homme qui a prié derrière Mu'adh. Mu'adh a tellement allongé la prière. Il est sorti de la prière. Il a fait sa prière et il allait dire cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, Afattanun anta ya Mu'adh. Alors pour les hal, la Bouddha. On doit connaître quelque chose. Fermez la porte là, s'il vous plaît. Donc, on doit connaître quelque chose, c'est quoi? C'est la sunna dans la longueur de la prière ou bien le fait de le faire court. C'est la sunna qu'on considère. C'est pas forcément ceux qui sont derrière. C'est-à-dire, ceux qui sont derrière, on le considère en se balançant sur la sunna. L'imam, il peut décider de dépasser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à l'amr wafi. Vous comprenez? Mais voilà qu'il se limite à la sunna. Parce que si on dit, on considère ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, avec le cas des gens, on va vous montrer. Les gens sont beaucoup paresseux. Hein? Ils veulent prier 5 minutes. Ou bien 4 minutes. Cela se fait. 4 minutes. Comme cela est arrivé une fois. Je vais à la mosquée. Je quitte chez moi. Arrivé. Ils ont fait comme à la mosquée. De la mosquée, de chez moi à la mosquée, on fait 5 minutes. Hein. Ils ont commencé la prière pendant que j'étais chez moi. D'ici, j'arrive à la mosquée, en 4 minutes, ils ont prié Fajr. Donc, cela peut arriver, mais c'est pour dire qu'on considère la Ibra, c'est la Sunna. La Sunna, c'est que la Sunna a montré pour cela de Fajr. La longueur, on respecte cela. Vous comprenez? La longueur. Parce que, à l'époque du prophète, il y avait des gens aussi qui étaient faibles. N'est-ce pas? Malgré cela, le prophète, il allongeait la prière des fêtes. Il l'a palit, il l'a nari. Sauf rarement. Où il prenait, surat al-Zalzala, dans les deux rakats. Isa Zuzirati, Abdouzirzala, c'est une sunna. Et il faut faire revivre cette sunna. Il prenait surat al-Zalzala dans la première rakat, surat al-Zalzala dans la deuxième rakat. Surat al-Fajr. Et il prenait surat al-Nas dans la première rakat, même surat al-Nas dans la première rakat. Sunna. Ça va? Hein? Les deux rakat même. Il faisait Nas-Nas. Et il faisait Zalzala-Zalzala. C'est une sunna. Mais quel Nas il a? C'était rare. Ça va? Alors, qu'on les hal, à l'Ibra, c'est la sunna. Vous comprenez? À l'Ibra, c'est la sunna. Wa hadith Ousmane ibn Abi al-As. Et le hadith d'Ousmane ibn Abi al-As, qui dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, waqtadi bi adhafihim. Il dit, regarde le plus faible d'entre eux. Waqtadi, c'est-à-dire, ombur bi adhafihim. Regarde le plus faible d'entre eux. C'est-à-dire, regarde le plus faible d'entre ceux qui prient derrière toi et à l'aise la prière. C'est compris? Donc voici la masala الإمام شوقاني دي ويقدم السلطان ورب المنزل. Et on devance dans la imama l'autorité ou bien le propriétaire de la maison. C'est-à-dire, si vous arrivez quelque part, vous êtes dans la maison d'une personne et il est l'heure de la prière, vous voulez prier, alors on devance qui pour la prière? Le propriétaire de la maison. On devance le propriétaire de la maison. Ça va? On met le propriétaire de la maison devant. Mais bon? Parce que c'est chez lui. N'est-ce pas? Et l'autorité aussi. L'autorité, c'est lui qui est l'imam. C'est compris? وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ. Et cela à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري. Dans le hadith Abi Mas'ud al-Badri qui est dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya Ummul Qawm, fais prier les gens, c'est-à-dire est devant les gens dans la prière, Aqra'uhum li kitabillah, celui qui lit mieux le Coran. Fa in kanu fil qira'a sawa, mais s'ils sont pareils dans la lecture du Coran, fa a'lamuhum bi sunnah. On regarde parmi eux celui qui a plus de science dans la sunna. Fa in kanu fi sunna sawa. Mais s'ils sont pareils dans la science de la sunna, fa aqdamuhum hijratan. C'est celui qui a fait la hijra avant. Ça va? Celui qui a fait la hijra avant. C'est le premier à faire la hijra. Fa in kanu fi hijra sawa. S'ils sont pareils aussi dans le degré de la hijra, fa aqdamuhum simman, le premier à être musulman. Ça va? On regarde cela. Et la riwaya, wa la ya'ummu ar-rajula fi sultanihi, que l'homme ne dirige pas la prière d'un homme dans son autorité. Ça va? Dans son autorité. C'est-à-dire, lorsqu'il dirige des gens, que quelqu'un ne vienne pas passer devant lui. Ça va? Ensuite, il a dit, voilà, yaqudu fi baytihi ala taqrimatihi illa bi idn. Qui ne s'asseye pas dans sa maison sur son divan spécifique à lui. C'est-à-dire, sa chaise, qui est connue, on sait que c'est la chaise préférée du papa dans la maison. Tout le monde sait ça. Quand l'étranger vient, la sunna même, lorsque l'étranger vient chez quelqu'un, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il te dit, assois-toi ici. Ça va? Mais le contraire de ce qu'on voit, il arrive, paf, il va s'asseoir. Il a installé. Et l'autre aussi, il kiro à la gare, fais comme chez toi. Ça veut dire que même ta femme, je peux attraper pour partir avec elle. Parce que c'est chez moi. Hein? Là, il ne faut pas la mal. On ne fait pas cela. Lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu dois être limité même. Ton regard ne doit pas se promener partout. Là, haram. Ensuite, tu ne t'assois pas si sont ta crima. Ça va? Ta crima, c'est maqad. C'est qu'on s'assoit dessus. Ça peut être harika, ça peut être fauteuil ou autre. Mais si on sait que Rabbul Manzi, le propriétaire de la maison, c'est ici qu'il s'assoit. Hada, la yadris. Hada hadith Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith du prophète. Donc ici, dans une autre riwaya, la yaumu rajulu ar-rajula fi sultanihi, ça veut dire dans son, sous son autorité. C'est-à-dire, que tu sois chez lui, qu'il soit imam d'une mosquée. Ça va? Qu'il soit imam d'une mosquée. quelqu'un ne doit pas faire prier sans son accord. Quel trou le viage? Ça va? Pas bien. Voilà que si l'imam il n'est pas là, alors les ulama ils viennent maintenant avec des tafsirs à ce sujet. S'il n'est pas là et que là, on doit prier, alors on choisit une personne. Mais les malikiyas, ils ne sont pas d'accord sur le fait que la personne prie à la place de l'imam. C'est-à-dire si l'imam n'est pas là, ici par exemple, si l'imam n'est pas là, et qu'on doit prier chez eux, l'imam, celui qui doit être l'imam, ne doit pas s'arrêter ici. Il doit plutôt s'arrêter ici, et puis les autres seront, le premier rang sera derrière, juste derrière. Ça va? Les mura'at et masalih. Ça, c'est pour faire attention aux avantages et aux méfaits qui peuvent résulter de cela. Quand il y a des mosquées, si tu arrêtes à la place de l'imam, ah, d'autres même ont peur d'avancer. L'imam même dit, devant tout le monde, il dit, celui qui va s'arrêter ici, là, c'est que c'est un garçon. Dans la mosquée, on avertit les gens. Si tu fais ça, tu vas voir. Il va voir quoi? Hein? Avec la protéine de bon. Sinon, il va faire quoi? Bon, si il a ça, il vient prier dans la mosquée. Ça va où ça? Hein? Allez, c'est tout clair. Donc, ici, Wata Klima, Ophiroua de la Muslim, Badal Silman. Dans une autre riwaya, au lieu de Silman, c'est-à-dire celui qui est, s'est converti avant, il a dit Silnan, en âge. On regarde celui qui est plus âgé. Wamana Silman, ça veut dire Islam. Ça veut dire Islam. Wata Klima, Takrima ici, c'est Al-Firaj wa Nahwihi. C'est-à-dire le lit ou bien autre chose. Mimma yubassit li sahib al-manzil wa yukhtassu bihi. Ou wa yakhtassu bihi. C'est-à-dire, il est c'est une chose qui est spécifique à lui. Si tu arrives, tu ne t'assois pas à sa place. Adam il est l'adab. Ça veut pas dire des comportements. Hein? Il est l'adab. Si tu rentres, si tu arrives devant la porte, une personne que tu tapes, tu ne te diriges pas devant là. Oh bien. Léana Indama Dieu et la Mada. Trois le fait de frapper à l'Istizan. Indama Dieu et l'Istizan, il a dit le bâton. Comme le professeur Assam a dit, il dit le Istizan, la demande de permission avant d'entrer a été mise à cause du regard. Quand tu viens, tu donnes ta droite ou bien ta gauche à la porte. Et lorsqu'il ouvre, s'il te dit de rentrer, bismillah, tu rentres. Et si tu rentres, tu ne regardes pas partout. Tu ne fais pas comme ceux qui vont regarder. Ah, mashallah, ce tableau-là, tu as enlevé ça où? C'est joli. Là, t'as pas rien. Ne fais pas cela. Donc, وفي رواية عنده أيضا dans une autre رواية للإمام مسلم البروفيسور يسمي ولا تأم الرجل في أهله ولا تأمن الرجل عفوا في أهله ولا في سلطانه ne dirige pas la prière d'un homme dans sa famille ni dans ce qu'il détient c'est-à-dire sous son autorité. Voilà, ça dit à la taqrimatihi. Ne s'assois pas si ça taqrima, comme on vient de le dire. Fi baytihi illa ayya azana lak. Sauf qu'il t'autorise, ou bien par sa permission. Ça va? Voilà, ou kunta imam. Même si t'es imam ou kabir, akbar ou imam fil balak. Même si t'es le plus grand imam, tu arrives chez moi, c'est moi qui suis imam. Non. Sauf si j'ai dit l'imam passe. C'est comme il va chez Soro. Hein? Et je ne suis pas imam. Même si Soro, c'est, il vient s'asseoir ici. Hein? Tu avais passé. Ça dépend. Hein. Tu avais passé. Hein? Donc, la boule de Minha. La ta umar radu fi ahli. Ensuite, le mu'allif il dit, l'imam Shawkani, il dit, wal aqra ثم الأعلم ثم الأسن. Celui qui doit être imam, Al-Aqra. Celui qui lit plus le Coran. C'est-à-dire qui a plus mémorisé le Coran et qui maîtrise plus la lecture du Coran. ثم الأعلم. En plus, le plus savant. C'est-à-dire celui qui a plus de science, mais il n'a pas plus de lecture. Soumal Hassan. Ensuite, on regarde maintenant les vieux. Ça va? Et on les place. Si eux, ils sont pas là. Si, Al-Aqra, Al-Alam, on regarde maintenant Hassan, le plus âgé. Les hadiths du Mutaqaddim, à cause des hadiths qui a précédé, wa huwa sahih, et ce hadith est authentique. Fal-Aqra, يقدم على الأعلم. On devance celui qui lit plus le Coran devant celui qui est plus savant. La chose quand il dit Al-Aqra et puis Al-A'lam, qui est le plus savant entre les deux là? C'est Al-A'lam, n'est-ce pas? Mais on devance le Aqra pour la iman, de la prière. Ça va? Ce n'est pas l'imam à ce qu'il dit. C'est l'imam dans la prière. On devance à l'Aqra sur le A'lam, Bichart, à condition en yakoun al-Aqra, que celui qui sait plus lire le Coran à l'A'ilm bi'ahkam al-Salah. Il doit connaître les jugements de la prière. Ça va? Wallahi, ana ra'aytu akthar dhalik. J'ai vu le contraire de cela. Mazala hadha al-amr yajri bayna an-nas. Et ça continue à être pratiqué parmi les gens. Quand la personne, on sait que le petit, il sait bien lire le Coran, il a mémorisé. Aslan, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ahkam al-salah. Yuqaddimuna. Ils les mettent devant les gens. Maintenant, lorsqu'il y a khala dans la prière, ça devient un problème. Il ne peut pas. Puisqu'il ne connaît pas. Il ne sait pas si c'est un prié qu'il a délaissé. Il ne sait pas si c'est un wajib, c'est un sunna. Comment réparer cela? Il ne connaît pas. Comme les gens le disent, Amam Kabla Nibaran. Hein? Il ne connaît pas Kabla, il ne connaît pas Baran. Ça va? Donc la Bouddha Minahana. أصلا ينقص مر بي في قبل بي بعد يعني لك كيف المروان كما يعني نسأل كي يسوان تنا يديك ما جي كنا با قبل بي بعد يدي نو يدي جي كنا قبل بي بعد ما يسوان فوق ما يدي كنا با قبل بي بعد يلا يدي ما يدي قبل بي بعد سيكون يدي سيكون يدي avant et puis après. Avant et puis après. Kabla, avant, bada. Ne pensons pas de langue arabe. Hein? On parle de prosternation. Deux prosternations avant ou bien deux prosternations après. C'est ce que Kabla bada. Cela veut dire effectivement tu ne connais pas Kabla et bada. Là où ça. Donc, la Bouddha Minahaza, c'est-à-dire s'il connaît le jugement de la prière, on le place devant le Amen. Devant le plus savant. Ça va? Ou le hadith Mutaqaddim, le hadith qui a précédé, Yadullu ala anna l'ibra. Le hadith qui a précédé montre que ce qui est considéré bil aqra, c'est celui qui a plus mémorisé et lit plus de Coran, la bil a'lam, pas celui qui a fait des choses. Yadullu ala zalika, montre que cela, que le a'lam, il peut forcément ne pas être le aqra. Est-ce que vous comprenez? Il peut forcément ne pas être le aqra. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup d'entre les savants, j'ai donné cette parenthèse aujourd'hui, qui ne maîtrisent pas le tajwid. Les savants de l'islam. Hein? Ils ne maîtrisent pas le tajwid. Mais est-ce que le tajwid est obligatoire? Le tajwid. Le tajwid, c'est pas wajib, n'est-ce pas? C'est mustahab. Hein? Mais d'autres, ils font 8 ans, 10 ans en train d'apprendre le tajwid. Hein? Ils perdent du temps déjà dans ça. Ce qui n'est même pas obligatoire. Al-Ibra, c'est Al-Kira. Al-Kira, Al-Kira, Al-Kira. Mais c'est la ruse des Ikhwan et des Hizbiyyin. Ils font cela pour perdre du temps des gens. Pourtant, les gens doivent apprendre le tawhid. Ils doivent apprendre beaucoup de choses qui sont importantes pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Donc, le plus savant peut ne pas mieux maîtriser le Coran que celui-même qui l'enseigne. Est-ce que vous comprenez? Taïb. L'école du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Aqra'uhum li kitabillah » celui qui lit plus le Coran. C'est lui qui est pour ça, c'est sympa. Aqra'uhum li kitabillah » celui qui lit plus le Coran, celui qui maîtrise plus le Coran, ça va? Summa il a dit a'lamhum bi sunnah. Celui qui a plus de science dans la sunnah. C'est clair que celui qui a plus de science dans la sunnah a plus de science que le aqra. La chèque. Ça va? Ça y est. Summa il aqdam bil hijra. Ensuite on devance celui qui est venu, qui a fait la hijra avant tout le monde. Si on ne trouve pas ces deux-là, il nous dit que si on trouve quelqu'un qui a fait la hijra avant tout le monde, on le devance. Ou illa fal aqdam islaman aw sunna. Ou bien on devance celui qui est rentré premier en islam ou bien en âge. Ça va? Qala al-mu'allif rahimahullah. Idha qtalla salatu al-imam. Voici notre masala qui est quoi? Si la prière de l'imam iqtalla bimana ayyaba Aba, la soirée fille aïe, s'il y a eu un défaut dans la prière de l'imam, qu'un azalik ali, cela sera contre lui, là à la mu'tamin, ce n'est pas contre ceux qui l'ont suivi dans la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire, si l'imam, il y a eu un défaut dans sa prière, que sa prière a été annulée à cause de cela, et lui fait sa prière. Mais ceux qui ont prié derrière lui, c'est la prière correcte. S'il y a un défaut aussi qui diminue le ajr, la récompense de la prière, c'est lui fait sa prière. Par les autres. Ça va? Hada bi hasabi ma waqa fi salat min shay'in khafi. Selon ce qui est arrivé dans la prière, il y a quelque chose, peut-être que les gens qui sont derrière n'ont pas pris, n'ont pas su. Ça va? Parce qu'il y a les askars qui délaissent dans la prière et les autres ne savent pas. Donc, ils acceptent la salat ou l'imam. Si la prière de l'imam a eu défaut, va aller y. C'est contre lui. Mais quand au fait que on sait, zahiran, que la prière de l'imam, il prie 4 à 4, salat ou fajr, tu viens d'arrêter avec ce hadith et tu dis, si il acceptent la salat ou l'imam, c'est contre lui. Non, nous on prie 4 à 4 fois. Est-ce qu'Allah t'a ordonné de prier 4 à 4? Hein? Ce qui est apparent, on sait que c'est les erreurs venant de l'imam, alors si on ne peut pas corriger cela, si on peut ne pas prier des erreurs, on ne prie pas des erreurs. Ça va? Pourquoi les salafs, rahimahoullah, lorsqu'ils priaient derrière les gens qui retardaient la prière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient leur prière à l'heure et ils partaient prier cela comme Nawam. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'ils ne prient pas à l'heure. Vous comprenez? Le Khawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur Umara, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des autorités, yusalluna lakum, ils prient pour vous, fa'in afabu, s'ils ont prié exact, falakum walakum, vous aurez les mérites, eux aussi auront le mérite. Wa'in akhtaw, mais s'ils ont fait erreur, falakum wa alayhim, vous aurez les mérites, mais c'est contre eux. وهذا حديث أخرجه البخاري في حديث رواه الإمام البخاري قال عن سيدي موقفهم leur position أسيوه موقفهم leur position خلفه c'est derrière l'imam ça va إلا الواحد sauf celui qui prie seul et il vient s'ajouter, quelqu'un vient s'ajouter, ils sont deux, alors il s'arrête à droite de l'imam. Ça va? Warada Bizalika Hadith bin Abbas Isahi. Et a été rapporté au sujet de cela, le Hadith bin Abbas, dans l'authentique de l'imam. Bukhari et Muslim. Anna waqafa ala yasari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas s'est arrêté à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière. Fa akhadhahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé min udhunihi par son oreille. Hatta qamahu, il a tourné Ibn Abbas jusqu'à l'arrêter à sa droite, en yamini. Donc Ibn Abbas était arrêté à sa gauche. Donc il a saisi Ibn Abbas comme ça, et puis il a arrêté à sa droite. Donc ce qui montre que lorsqu'ils sont deux, l'imam, le mamoun s'arrête où? À droite de l'imam. Ça va? S'ils sont deux. Taïb. Donc, le passage, il a fait passer par l'avant ou par l'arrière? Hein? Il a fait passer par l'avant ou par l'arrière? Le passage? Oui. Quand il a fait passer, il a fait passer. Pendant qu'il était dans la prière. Oui. Non, ça n'a pas été dit ici. Ça va? Taïb. Donc, ici. وَلَا يَتَقَدَّمْ وَلَا يَتَأَخَّرَنِ الْإِمَامِ il ne doit pas, c'est-à-dire devancer, il ne doit pas être devant l'imam, il ne doit pas être derrière l'imam. Ça va? فَيَكُونُ هُوَ وَالْإِمَامِ صَفًا وَاحِدًا lui et l'imam doivent être dans le même rang. Ça va? وَجَابِ الصَّحِيِّ أَيْضًا c'est venu dans l'authentique, d'après Jabir bin Abdillah, il dit, Sallallahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant moi, Wabijabgar ibn Sakhr. Et aussi, il a fait prier Jabbar ibn Sakhr. Fakumtu ala yasari Rasulillah. Au début, c'est lui qui était à la Jabir ibn Abdillah. Il dit, je me suis arrêté à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Fa'akhaza biyadi fa'adarani. Il a attrapé ma main, il m'a tourné. Tourné comment? Ça n'a pas été détaillé ici. Il est hatta aqamani an yamini. Jusqu'à il m'a mis devant, à sa droite. Ça va? Summa jaa Jabbar ibn Sakhr. Jabbar ibn Sakhr est venu, fatawadda summa jaa faqaman yasari rasulillah. Comme moi j'étais à sa droite, Jabbar est venu à sa gauche. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا. Il nous a attrapés par nos mains, nous tous. فدفعنا. Il nous a poussé. حتى قامنا خلفه. Jusqu'à nous arrêter derrière lui. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est le hadith de Jabir ibn Abdullah. Non. Cela montre que si deux personnes viennent, c'est-à-dire si une deuxième personne vient s'ajouter à la première personne qui a apporté là, c'est lui qui doit aller déjeuner, c'est pas l'homme qui doit aller déjeuner. Oui, les zoahiri à la hadith. De façon apparente, c'est lui qui doit reculer. Ça va? Non. Voilà qu'il a l'âme au voisin. Non. C'est aussi l'imam. Il venait un peu derrière, comme ici par exemple. Il vient un peu derrière ici. Il prie, ils sont deux. Et qu'une autre personne vient, il se déplace pour que, voilà, l'autre puisse s'arrêter. Donc s'il a dit d'aller derrière, il va laisser ma carte à l'imam. Ça va? Non. Donc, d'après Anas aussi, il dit Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam salla bihim. Il a prié avec eux, nafila. Une prière surrogatoire. Faja'ala Anas an yamini. Il a mis Anas à sa droite. Waja'ala umma Anas wa ukhtaha. Et il a mis la mère de Anas et la sœur de Anas, qui s'appelle Umm Haram, khalfa. Il a mis ceux-là, c'est des femmes, derrière lui. Ça va? Wa fi hadith n'akhar, cela montre que si il y a deux hommes qui veulent faire la prière, il y a des femmes, alors la présence des femmes ne fait pas reculer l'autre. L'image à les femmes et les hommes ne s'arrêtent pas dans le même. Ah, la madale est arrivée. L'âme y a condamné. Ça n'a pas existé. Sauf peut-être en France. Wa fi hadith akhar li Anas. Dans un autre hadith de Anas, Anna waqafa. Il dit Anas s'est arrêté. Huwa wal yatim. Lui et l'orphelin. خلف النبي صلى الله عليه وسلم دليل النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه et une vieille derrière eux وهو في الصحيح أيضا في حديث aussi est là l'authentique de l'imam Bukhari. Donc cela montre que même si l'homme il est seul et qu'il y a des femmes, il s'arrête seul. Ça va? Ça y est. S'ils sont deux, ils s'arrêtent à deux. Ça va? قال رحمه الله دونك الإمام شوقاني دي وإمامة النساء وسط الصف إلي الإمامة دي فام الإمام دي فام أمليو جيران أمليو جيران سوا طيب أنا دي فامس با لزوت أنا أمليو جيران. Donc, les affaires, les hadiths sont soignés. Il n'y a pas de sujet, un hadith qui remonte jusqu'au prophète sur la terre. Authentique. Il n'y a pas. Mais pourquoi? Wa innama saha an Umm Salama wa Aisha. Cela est venu authentique de Umm Salama, qui est la femme du prophète sur la terre. Et de Aisha, qui est qui? La femme du prophète sur la terre. أنهما فعلتا ذلك qu'elles ont fait cela. Ça va? Si Aïcha a fait, si Umm Salama a fait pareil, même si nous on dit on ne remonte pas au professeur sallam, à la couleur a dit son. N'est-ce pas? Ça y est. Jaan Aïcha, c'est venu d'après Aïcha. من طرق يصح بمجموعها par différentes voies dont si on rassemble les voies c'est authentique. وجعل أم السلمة من طريقين يصح بهما c'est venu de deux voies aussi de أم السلمة donc c'est authentique aussi par les deux voies. ولا يوجد ما يقال في لهما et on ne trouve rien qui contredit leur action. Donc ça devient une sunna. قال Ensuite, il dit وَتَقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ وَتُقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ ثُمَّ الصِّبْيَانِ ثُمَّ النِّسَاءِ. Ça va? On devance dans le rang les hommes. Les hommes. On devance les hommes dans le rang. Ensuite, les enfants. Ensuite, les femmes. C'est-à-dire, selon le Mu'allif, Rahimahullah, lorsqu'on veut faire le rang, on met d'abord les hommes devant. Ça va? Après, on range les enfants, on les met devant et derrière, juste derrière les hommes et les femmes sont derrière. Voilà qui, cette parole-là, fille, il n'a pas. Ça va? Et ça, madame Mu'allif, l'auteur du livre s'est basé ici, Fitari fi soufoufi sibian, fitafiki soufoufi soubian, dans le fait de séparer le rang des enfants au rang des hommes, à la hadith d'Abi Malik al-Ashari. Sur le hadith d'Abu Malik al-Ashari. Il dit, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yajalu rijal quddam al-ghilman. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait les hommes avant les enfants. والغمان خلفهم et les enfants étaient derrière les hommes والنساء خلف الغمان et les femmes étaient derrière les enfants. ولكن حديث ضعيف أخرجه أحمد في المسند وأبو داود et son sanad est ضعيف. Ça va? ويخالفه mais contredit même ce hadith. Le hadith est Anas qu'on a vu. N'est-ce pas? Anna waqafa khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'est arrêté, lui et un enfant derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas, il était encore enfant. Ça va? Wa ummu Sulaym min khalfihim. Et ummu Sulaym était derrière eux. Ce hadith est dans Sahihayn. Donc, ce hadith contredit ce qu'on vient de dire ici. N'est-ce pas? Fayadou le dernier karen sibial, cela montre que les enfants, yassifou namar rigal. Ils arrêtent dans le même rang avec les hommes, ou el nisa, min khatim. Et les femmes sont derrière. Voyez? Ceux qui disent, par exemple, si l'enfant n'a pas atteint la puberté, il ne faut pas le mettre dans les rangs. Voilà. Quoi le bar le ulama? C'est la parole de certains savants. Voilà qui n'a souri. Ma fille est d'Afrique. Même s'il est petit, parce qu'ils disent que si l'enfant n'a pas l'âge de la puberté, il coupe le rang. Oui. S'il coupe le rang, ça veut dire que là, il a fait mon salat. La prière n'est pas correcte. Pourtant, Ibn Amr, il avait prié à l'âge de 7 ans. Ça va? Il était imam à l'âge de 7 ans. Et on a vu des hadiths à ce sujet. Donc ici, arrêter les enfants dans l'Europe, c'est ce qui est recommandé. Ceux qui disent que on ne le fait pas, la boule d'un dalil sahih. Il faut un dalil qui est clair et sahih. Qui vient interdire sur la sunna al-Aq, le prophète de la sunna Amma Anas. Anas était d'où al-Gulu. N'est-ce pas? C'était à l'âge de Tamiz. Mais il était d'où al-Gulu. Et il s'est arrêté dans le rang ou pas? Ça y est. Si les perturbateurs, on les laisse à la maison. Ça va? Il y a certains parents qui font cette erreur. Ils envoient les enfants viennent empêter les gens dans la mosquée. Non, concernant maintenant ceux qui viennent avec les filles et puis les mettre devant, les petites filles, est-ce que la basse pas non, il n'y a pas de problème. La basse, ils arrivent. Hein? Un perturbateur dérange les enfants qui dérangent. Est-ce qu'on trouve un enfant qui ne dérange pas? هذا قليل Ou bien, tous les enfants sont perturbateurs, mais on les met dans le milieu pour qu'ils restent tranquilles. Mais si on les met en rang derrière, vous allez entendre karaté. Ils vont faire karaté. N'est-ce pas? Donc, قال رحمه الله ورنتي دازين اود مساله ايوا الاحق بالصف الاول ceux qui sont plus en droit d'être dans le premier rang اولو الاحلام والنهى ceux qui sont pubères et ceux qui ont la raison en place. Les pubères et ceux qui ont la raison. Ceux qui sont plus en droit du premier rang. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas tout le premier rang, mais c'est juste derrière l'imam dont il s'agit. Ça va? Le Qawli Israël Sallam, à cause de la parole du prophète Israël Sallam qui dit, les Yalini Ninkum, que soit juste derrière moi, parmi vous, ou le Ahlam ou le Noah. Ceux qui sont pubères et ceux qui ont la raison en place. C'est-à-dire, ils ne sont pas idiots. Ça va? Et c'est ce hadith que j'ai l'habitude de donner ici. Hein? Et ensuite, ils sont maladina yalounahum. Ensuite, ceux qui viennent après eux sont maladina yalounahum. Et ceux qui viennent après eux. وَأُولُوا الْأَحْلَامُ وَالنُّهَى ce sont les al-baligouns, ceux qui ont la puberté, al-fuqala. Ça va? يَأْخُذُ عَنْهُ fait de prendre d'eux. وَكَذَلِكَ لِيُصَحِّحُوا الْإِمَامُ et pour qui courit la prière de l'imam, وَيَسْتَخْلِفْ أَحَدُهُمْ ils achètent إِلَى ذَلِكَ et l'un d'entre eux prend la place de l'imam si l'imam a besoin qu'on prenne sa place. Par exemple, l'imam en train de faire prier. Et, Hadassachin, il y a eu quelque chose. Et l'imam a besoin de quelqu'un pour lui placer devant. Quand il vient derrière, à présent qu'il attrape là, c'est un cigare. Hein? C'est un enfant. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Hein? Voilà pourquoi ici, la hikma, c'est de mettre Ulul Ahlam wal Nuha. Ça va? وهذا يدل على ان السبيان لا يكونون في الصف الاول مما يلي الامام. Cela montre que les enfants ne doivent pas être dans le premier rang qui suit juste, c'est-à-dire qui vient juste, le premier rang qui vient juste après l'imam. Ça va? S'ils sont là, il y a 12 là, hein, qu'on les mette un peu dans les extrémités pour mettre les personnes qui sont pour l'ahlam ou l'noir. Ça va? Taïb, c'est très important. Ceux qui ont la puberté, ceux qui ont le noir. Pour qu'ils puissent prendre la place de l'imam, si l'imam veut sortir de la prière. Pour qu'ils puissent corriger l'imam, si l'imam, c'est trop. Ça va? Taïb. S'il a arrêté sur le rang, non, ce qu'on a dit, c'est d'obéir à la parole du professeur. Si l'enfant est juste derrière l'imam, alors il faut l'enlever pour mettre les gens qui peuvent corriger l'imam. Voilà. Mais aujourd'hui, ceux même qui doivent s'arrêter derrière l'imam, c'est eux qui s'arrêtent. On est venu juste derrière l'imam et il laisse les enfants s'arrêter. Combien? Vous savez pas? Allez, ça gagne avec. Voilà. Vous voyez, Shahid a un Afrique. Ça témoigne. Quoi, le Rahim Allah? Non. Non. Si Si Zalika, même celui qui n'est pas dans la prière, si l'imam avait une erreur, il peut corriger. Allez là-bas, c'est lui. Ça va? Non. Si il sait que l'imam a fait une erreur dans la lecture, l'imam est bloqué. Non, c'est quand l'imam est bloqué. Pas l'erreur, si l'imam fait une erreur de lecture. Non. Si l'imam est bloqué, il peut lire juste pour que l'imam continue. Ça va? Tayyib. قال رحمه الله نعم C'est ce que j'ai détaillé. Si c'est une erreur, il a mis Fata avant Kasra, non, lui ne le fait pas. Mais c'est quand l'imam se bloque, le iftar de l'imam, c'est-à-dire lui ouvrir, continuer la lecture pour qu'il sache que là, parce que souvent il a arrêté, l'antenne est balancée en 4 versets, 5 versets. Il ne sait pas c'est lequel il doit prendre, parce que les versets souvent sont mutashabihat. Donc en ce moment, toi tu viens, tu continues, pour qu'il puisse continuer. Ça va? En ce moment, la base, mais si c'est les erreurs de Kasra, Fatha, non. La Yufa, hein? Non. Donc, ensuite, Yajibu, ici il a dit, Qala Rahimahullah. L'auteur du livre dit, il dit, Wa alal jama'a. Il est obligatoire sur la jama'a, le groupe. Le ala ici, c'est harf al-wujub. Ahadi al-huruf al-wujub, inda al-usuliyin. Le ala. Comme elle a dit, ala Allahi wa ala nati hijjul fayt. Lillahi wa ala nati. Naam. ولله وعلى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا طيب دون على ici ça va c'est harf wujub donc ici il a dit على الجماعه ان يسووا صفوفهم la jamaa doit dresser le rang وان يصدوا الخلل سد السري fermé الخلل C'est la parole du groupe personnel. Ça va? Le sad, c'est quoi? C'est de ne pas laisser d'espace entre vous. Coller. C'est-à-dire, al-kabu bil kab. Ça va? Non, le kab, c'est ici. Al-kabu bil kab. Ou al-manki bil manki. C'est-à-dire, l'épaule contre épaule. Cheville contre. C'est-à-dire au col les chevilles et les épaules. Oui. Mais, nous on ne vient pas avec Istidlal ou l'Akli. Ça va? Pour dire, mais, parce que le prophète a dit à Shaitan, il y a l'arbre, le Shaitan il rentre, voyage pour le fil, halal. Nous on ne vient pas dire, non, comment le Shaitan peut rentrer ici? Attendez, c'est Aleïna. Il n'a pas Aleïna, Fakhat, Annaf, Alama, Amarana, Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. On fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. On va voir les hadiths à ce sujet-là. Yajibu ala al-musallin taswiyat al-sufuf. C'est une obligation pour ceux qui prient de dresser bien les rangs. Wa ta'dilihima et de les rendre égal. Wa rafiha et de les couler, de les tirer. Li amri nabi sallallahu alayhi wa sallam zalika. À cause de l'ordre du prophète sallallahu alayhi et à cause de sa mise en garde contre le fait de contredire de différentes manières. Contre le fait de mettre la divergence entre les cœurs, c'est-à-dire de tourner le visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est-à-dire sawbu. Dressez bien, soufoufa comme vous rend. Fa inna taswiyat as-saffi, car le fait de dresser le rang min tamami as-salah. Fait partie de ce qui complète la prière. Voilà pourquoi les savants, disent que lorsque le saf n'est pas bien dressé, ça apporte un défaut dans les mérites de la prière. Parce que le prophète a dit, fa inna taswiyat as-saffi min tamami as-salah. Dans une autre loi, il dit min iqamati. As-salah. Fait partie de Iqamat as-salah. Ça va? Mutafakun alayh. وقال اي الذي لا تسوون الصفوف الى سوا vous allez dresser les rangs او لا يخالفن الله ام يا الله va mettre la divergence بين وجوهكم entre vos visages. Là, les divergences qu'on voit dans les mosquées là, c'est ce que le professeur Asselam a dit. Tu vois, ils sont dans la mosquée, ils ne s'entendent pas. Ils se divergent sur tout, sauf la caisse. Là, il n'y a pas de problème. Là, la caisse, ils sont d'accord dessus. Mais en dehors de la caisse, de la mosquée, quand il dit la caisse, c'est-à-dire partager les quins, quoi. Voilà. Hein? Non, c'est mon Dieu se diverge sur ça, mais le gain là, il se diverge pas sur ça. Hein? Pas yé? Barakallahu fikoum. Donc, voilà pourquoi peut-être Roubama, c'est le châtiment là au Kouba que le professeur Zama dit qui atteint beaucoup de mosquées aujourd'hui. Wallahi, summa billah wa ta'Allah, ana uqsim billah, je jure par Allah que hatta l'an, je n'ai pas vu une mosquée, Yahtamu Bidarik, qui accorde de l'importance à cela dans toutes leurs prières. Je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'ils n'essaient pas de faire. D'autres essaient, ils passent dans les rangs, ils essaient de voir, mais je n'ai pas vu une mosquée où l'imam prend du temps, comme les salafs faisaient. Omar Ibn Khattab, il restait à la maison. Il demandait de laisser le rang. D'accord. Et on vient d'informer que le rang était dressé. Et puis il vient. Hein? Les collabas, Ar-Rachidin, ils faisaient le rang. On dressait d'abord bien le rang avant de commencer la prière. Parce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, si tu veux bâtir une communauté, il faut bâtir la communauté sur l'entente. Pourtant, l'une des causes de divergence, c'est quoi? De ne pas dresser les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah yukhalifanna Allah bayna wujudikum » Si vous ne le faites pas, Allah va mettre la divergence entre vos visages. Et l'autorité veut régner les cœurs. Donc, la première des choses, lorsqu'il veut faire prier, il vient, il dresse bien les rangs. Il passe dans les rangs, il dresse avant de faire la prière. Ça c'est la sunna de Khalid bin Guidé. Aïna nahum minhad. Hein? J'ai dit, j'ai pas vu une mosquée qui respecte cela jusqu'à présent. Ça va? Qu'Allah fasse que nous respections. Et qu'Allah nous accorde le succès. Ça va? On va dire comment faire le rang. Et faites l'effort de respecter cela. Et dresser. C'est la responsabilité de l'imam de dresser. Mais quand les gens sont djouhal, ça devient difficile. Si l'imam passe tout le temps, on dit, mais c'est quelle mosquée ça? Chaque fois, c'est eux qui pensent que les gens sont des enfants. Tu viens, tu lui dis, colle. Lui-même, il est déjà en boule. Il est énervé. Et il ne va plus venir. Il ne va plus venir là-bas. Parce que tu lui as demandé de couler son pied à quelqu'un. Et ce qui montait dans la mosquée, on est tous pareils. Le pauvre, il fait soujou, toi aussi tu es riche, il fait soujou. Si tu penses que venir chaque fois à la mosquée, peut-être d'autres ils sont malades, ils ont aussi des problèmes de asthme, ce qui fait que toujours ils ont des tapis. Ils sont à l'examination. Chaque fois, tapis. Adam est amr al-hadith. Mais si la personne a des problèmes, parce qu'il y a d'autres, le sable de la mosquée, quand il descend, ça peut provoquer une maladie à son niveau. Adam là-bas, c'est bien. Il n'a pas d'anzoro, il m'a soiré. On regarde les intérêts, le bienfait qui est dedans. Mais là, qu'il prend de cela comme une habitude, là, il m'a venu avec. Non. وَإِلَّا كُلُّ النَّاسِ سَوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ On est tous pareils. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Nous allons terminer cette partie-là. Ensuite, قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَيُّ تِمُّ الصَّفْ al-awwal, qui complète le premier rang, summa alladhi yalihi, ensuite le deuxième, summa kadarik, ensuite on fait le pareil pour les autres. C'est-à-dire, quand l'imam doit dresser le rang, il dresse d'abord le rang et puis les gens doivent remplir le premier rang d'abord. Avant de remplir maintenant le deuxième rang. Ça va? لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أقول الله للبروفيس صلى الله عليه وسلم فقد قال إلى لي أتم الصف المقدم إلى رمبيسي دابور سيدي كومبليتي البريميير ثم الذي يلي ensuite celui qui vient فما كان من نفس سيا ان خلل c'est-à-dire vous complétez cela فليكن في سيا ان خلل عفوا سيا ان manque de personnes dans le rang, falia qu'on fait sauf le mu'akhar, que ce soit dans le rang qui vient derrière, mais pas dans les premiers rangs. C'est ce qu'est aussi la sunna. Voyez. Wa kadhalika yajib al-muqaramah. Et de même, il est obligatoire de rapprocher baynaha entre les rangs. C'est-à-dire, le premier rang et le deuxième rang ne doivent pas être éloignés. C'est ce qu'on appelle al-muqaraba bayna as-sufuf. C'est-à-dire, le premier rang ici, le deuxième rang là-bas. Mais, on voit dans d'autres coins, le premier rang ici, le deuxième rang, au fond là-bas. Ça va? Parce que souvent, ils ont une grande mosquée, quoi, ils veulent remplir. Donc, s'ils ont rapproché les rangs, la mosquée, c'est là-bas, là. Donc, ils vont premier rang ici, deuxième rang, là-bas. Après, troisième rang, au fond là-bas. هذا ليس من سنة. ورب قال البروفيس صلى الله عليه وسلم دي رصوا الصفوف c'est-à-dire rapprocher les rangs وقال رصوا c'est-à-dire resserrer les rangs وقاربوا بينهما إلى rapprocher les وحازوا إلى جسد بين الأعناق عفوا بين الأعناق donc et aussi maintenant essayer de بمعنى légaliser les أعناق أعناق في عنق. Mais ici, ça veut dire al-mankib, c'est-à-dire je serai bien entre vous, le câble. Soyez, la manière de faire le sauf, comme on a expliqué ici déjà, ce qui est considéré, ce n'est pas l'orteil. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Quand ils viennent, ils s'arrêtent à côté de toi, c'est l'orteil qui essaie de coller à ton pied. Ça va? Il essaie de coller le bout de son orteil à ton pied. Et maintenant, si je trouve que toi, tu as un pied qui est un peu long, lui, il a un pied qui est court, il y aura un léger décalage. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est considéré dans le sauf? C'est le câble. N'est-ce pas? Le câble. N'est-ce pas? Le câble, c'est ici la cheville. Vous collez la cheville, même si les orteils se dépassent entre la ischale. Vous collez la cheville, comme ça vous allez être au même point d'égalité. Mais s'il y a un qui sort un peu, et que l'autre est encore derrière, alors le rang, il y a le khala dans le rang. Donc considérez toujours la cheville, pas l'orteil. Toujours la cheville, pas l'orteil. D'ailleurs, si vous venez dans le rang, si c'est ici, normalement, on doit déposer le pied, vous venez vous coller la cheville. Mais, tu verras ça de façon rare chez les gens. D'autres, d'accord, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas coller les pieds aux autres. D'autres aussi, ils sont djouhad, ça va. D'autres aussi, ils ont fait istimbad à travers ce qui s'est passé dans le corona. Donc, ils se sont dit non, que ce n'est pas obligatoire, sinon. Dans Corona, on n'allait pas. Alors, ils ont fait une simbade comme ça. Ça va? Et jusqu'à présent, il y a des mosquées qui prient un mètre. Bien sûr. Il y a des mosquées qui prient un mètre jusqu'à présent. Allah nous aide. Allah nous aide. Hayakum Allah, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khayran. On va s'arrêter ici. Et dans le cours prochain, on va parler sur le jour du sabbat. La prosternation de distraction, ce qu'on appelle Qabla Ba'd. C'est très facile. Mais souvent, les gens me disent ça. Il faut qu'on aille comme là-bas, là, comme là. Hein? Et ils rendent ça compliqué, quoi, mystifié. Combien le mot là, on y va? Hein? Ça, c'est dit. Mystifié, j'ai dit. Non. On dit ou on dit pas? Ça, c'est dit. Hein? Parce que comme il y a un mystique dedans, pourquoi on dit que j'ai rien là, je suis. Hein? On sait jamais. En tout cas, les gens qui pissent les gens. Rafsou, c'est coulé. Non. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.